Chapitre 27e. Enlever les petits, venir me les prendre. Judith Water ouvrait la porte et se campait sur le seuil, petite et pâle dans son Macintosh ruisselant et sous son chapeau trempé. Elle fit entendre un petit rire, et ses yeux gris toisèrent l'étrangère avec un sang-froid décidé et glacial. « J'ignore absolument qui vous êtes, » dit-elle, « mais je sais que vous ne savez pas ce que vous dites. » Elle embrassa du regard la pièce ravagée, les petits visages troublés et effrayés. « Seigneur, quel gâchis! Que s'est-il passé? Ah, le pauvre petit lapin tout mouillé! Tenez, enveloppez-le dans mon cache-nez. Nounou, faites monter les enfants et envoyez Suzanne pour faire le ménage. Oui, Blanca, toi aussi, puisque tu n'es pas capable de tenir tes petits frères, tu mérites qu'on te traite comme eux. » Elle se tourna vers la visiteuse ahurie. « Je suis Miss Water. Si c'est moi que vous voulez voir, voulez-vous me faire le plaisir de passer au salon ?» Elle aperçut Boyne qui s'était retiré dans l'ombre du couloir, comme s'il n'avait pas de rôle dans le drame qui se préparait. « C'est la princesse Buondelmonte, » dit-il. La jeune fille la mesura de nouveau avec hauteur. « Ça ne m'en impose pas, » dit-elle. La princesse commençait à se sentir moins fière, comme étonnée de se voir dominée par une personne qui avait la tête de moins qu'elle. « Surtout, pas d'imprudence, » souffla Boyne à Judith. Judith précéda la princesse et Boyne dans le salon, ferma la porte, avança une chaise à la princesse et dit en appuyant sur chaque mot « Peut-être ne savez-vous pas que la tutelle des enfants a été confiée à M. Boyne ?» La princesse restait debout, la main appuyée au dossier du fauteuil, sourit au génie tutélaire des petits Water. « Il me semble qu'il ne manque pas de tuteur. On me dit que vous êtes du nombre. Moi ?» fit Judith. « Je ne suis que l'aîné. Je les surveille. Voilà tout. » La princesse parut touchée de son accent. Elle s'assit, arrangea sa jupe sur ses jambes et commença d'un ton plus amical. « Je sais que vous leur êtes extrêmement attaché et que vous ne voulez que leur bien. » La jeune fille réfléchit. « Cela dépend de ce qu'on entend par là. Je demande seulement qu'on ne nous sépare pas. » La princesse fit signe qu'elle comprenait. « Mais si ce n'était pas le bien de ces petits ?»« La question ne se pose pas, » dit la jeune fille d'un ton décidé. « Parce que ce n'est pas possible de les aimer mieux que nous faisons, Martin, Miscope et moi. Vous m'en direz tant. Mais vous avez l'air d'oublier qu'il y a des parents. Oublier ? Ce sont les parents qui ont oublié, » répliqua la jeune fille. « Pas tous, puisque me voilà. Quoi ? Parce que vous venez d'épouser le prince Buondelmonte, parce que vous pensez qu'il aurait dû s'occuper de ses enfants ? Parlons-en. Seulement voilà, il n'y a pas pensé. L'idée ne lui était pas venue. Pas quand ils étaient petits et qu'il fallait les nettoyer, les changer, leur donner à boire, les promener dans les bras pendant leur range de dents. Ah, maintenant qu'ils sont assez grands pour tenir leur fourchette et égayer les repas, vous trouvez que ce serait agréable de les avoir, comme vous achèteriez une paire de Pékinois à une exposition de chiens. Seulement, vous ne pensez pas que pendant tout ce temps-là, ils se sont attachés à nous, entendez-vous ? À nous et pas à vous ? Qu'ils adorent leurs petits frères et que ce serait un crime de vouloir les séparer. Êtes-vous sûr qu'ils s'aiment tant que ça ? Questionna la princesse avec un sourire de ses lèvres sèches. S'ils s'aiment, c'est à moi que vous le demandez. Parce qu'ils se chamaillaient tout à l'heure, ça vous fait peur, cette grande bataille ? Vous n'avez donc jamais vu des gosses mordre et griffer ? Dit-elle avec mépris. Eh bien, la première fois que vous aurez à donner à Bun une cuillère d'huile de foie de morue, je vous plains. Est-ce la victoire ou la défaite ? C'est la question que Boyne et Judith se posaient ce soir après le départ de la princesse. C'est Boyne qui avait eu l'idée, et c'est toute la part qu'il avait prise au dialogue des deux femmes. Comme les choses allaient prendre une méchante tournure, il était intervenu en disant que si la princesse était mal tombée, il était juste de lui montrer la famille sous un meilleur jour. Il ajouta qu'il serait heureux de reprendre l'entretien avec elle, et comme leurs hôtels se touchaient, il lui demanda la permission de l'accompagner et d'aller la reprendre pour dîner. Elle accepta et sortit avec lui. Elle était toujours agitée et se raccrochait désespérément au reste de sa résolution. Boyne excusa de son mieux l'irritabilité de la jeune fille et assura sa compagne que les Water ne feraient nulle difficulté de reconnaître les droits du prince. La vraie question n'était pas là. C'était une question de délicatesse, de goût en quelque sorte. Madame Water avait pris les petits Buendelmonte à une époque où leur père ne pouvait se charger d'eux. Elle les avait traités comme ses propres enfants. À cet endroit, murmure ironique de la princesse. Mais ce n'était rien auprès du dévouement de leur belle-sœur, laquelle, juridiquement, n'était pas même leur belle-sœur. Sur ce thème, Boyne aurait pu parler pendant des heures. Les mots lui venaient tout seuls, avec une véhémence qui le surprenait lui-même. « Vous m'accorderez, quelles que soient vos idées sur l'éducation, vous m'accorderez que, pour des enfants, la chose la plus nécessaire, c'est d'être aimé. Et surtout des enfants exposés comme ceux-là, dans un monde où chaque divorce et chaque remariage les jette dans un milieu nouveau. » À travers ces bouleversements, cette jeune fille a réussi à conserver son petit troupeau à force d'affection. Elle a su inspirer sa passion de fidélité jusqu'aux bonnes et aux gouvernantes, si bien que dans une tornade perpétuelle, l'équipe a pu rester compacte, heureuse et défendue contre les dangers. Si cela pouvait durer encore quelques années, oui, si cela se pouvait, on verra bien, le jour où ils rentreraient dans leurs familles respectives, que sous l'aile de leur sœur, ils auraient trouvé une meilleure préparation à la vie qu'ils n'auraient, une fois séparés, chacun chez ses parents. La princesse écoutait sans répondre. Les sentiments de Boyne étaient pour elle une nouveauté. Elle y trouvait une sorte d'intérêt romanesque, comme un voyageur intelligent qui regarde des ruines féodales. Mais c'était un genre de chose pour lequel il n'y avait pas de mots dans son dictionnaire. Le soir, au dîner, la petite équipe, dirigée par Terry et sa sœur, présentait une harmonie en rose dont la princesse fut étonnée. Pour compléter son impression, Chip, qu'on amenait tous les jours à cette heure-là, pour dire bonsoir, fit son entrée avec la nounou, donna à l'étrangère une menotte confiante, dit bonjour et lui fourra les doigts dans les cheveux qu'il trouva comme ceux de Woody, car l'enfant commençait à généraliser et à faire des rapprochements sans que les personnes chargées de son éducation fussent en état d'analyser son mécanisme psychologique. Non plus que la princesse n'était en état d'expliquer les mouvements instinctifs du cœur. Le dîner fut très réussi. Tous les petits furent sages comme des images. Dini ne jeta pas une fausse note. Les deux baies, aux côtés de leur nouvelle belle-mère et visiblement impressionnées, montrèrent une réserve que la princesse ne parvint pas à rompre. Le petit garçon gardait sur le cœur la question des armes à feu, et le frère et la sœur, une fois sur leur garde, observait une méfiance inconnue au reste de la bande. La princesse, pour dissimuler son embarras, se jeta dans une description du palais historique que son mari venait de racheter et promit aux enfants qu'elle ferait arranger un des vastes appartements en salle de jeu moderne où on leur montrerait les derniers perfectionnements de la gymnastique scientifique. Les yeux de Bun s'allumèrent, mais il secoua la tête après un instant de silence. Je ne peux pas quitter les autres, dit-il, parce qu'on a juré sur le livre de Scopie que nous ne ferions jamais ça. Ce souvenir solennel remplit de larmes les yeux de sa sœur et Dini s'écria « Nous serions des sans-cœurs si nous nous en dédisions. » La princesse parut mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est que de jurer, Astoré ? » demanda-t-elle en prononçant ces mots comme s'il s'agissait d'explosifs à manier avec précaution. « Jurer, c'est faire un grand serment, » dit l'enfant en faisant effort pour préciser. Mais c'est affreux des enfants qui parlent de jurer ou qui disent des vilains mots, reprit la princesse avec un regard de reproche à Dini qui riposta. Alors tâchez de ne pas avoir d'enfants à vous. Réflexion qui fit baisser les yeux à l'étrangère et la fit fortement rougir. Pour rompre les chiens, elle fit une question à toute la table en général. Qu'est-ce que c'est que ce livre de Miss Cope? Le choix des livres est une chose si grave. Les plus petits n'en savaient rien et gardèrent le silence. Ce fut Terry qui répondit en riant. C'est le livre qui guérit tout. Ça s'appelle Le médecin des familles. La princesse fronça le front d'un air de doute. Je ne me rappelle pas ce titre-là parmi les livres inscrits au programme de Lohengrin. C'est une publication récente. L'institutrice trônait, rigide et majestueuse, à l'autre bout de la table. Mise directement en cause, elle protesta. Le médecin des familles, une publication récente, oh que non! C'est avec lui que ma mère et toutes mes tantes ont élevé leur famille. Je crois même que ma grand-mère, ciel, votre grand-mère, mais alors, c'est un ouvrage terriblement en retard et probablement très dangereux. Miss Cope lui opposa un sourire intrépide. « Vous me permettrez de n'en rien croire. Ma mère l'a toujours trouvé de bons conseils. Nous étions 14 enfants, à 10 000 du chemin de fer, au fond du Lancashire, et elle nous a tirés sans autre aide de toutes nos maladies. Dans une famille comme celle-là, on ne fait pas venir le médecin tous les jours. » L'épouvante de la princesse redoubla. « 14 enfants. Vous me dites que votre mère a eu 14 enfants. » L'institutrice répondit avec une fierté non dissimulée qu'il en était ainsi, sur quoi la princesse reposa sa fourchette, comme prête à bondir pour combattre de si déplorables abus. « C'est incroyable !» commença-t-elle. Puis elle ajouta en baissant la voix. « C'est vrai que dans ce temps-là... » Et sa manière de regarder les cheveux blancs de l'institutrice signifiait que tout cela n'était que des malheurs d'une époque de barbarie. Puis elle reprit avec plus de confiance. « Chez nous, ces choses-là seront bientôt réglementées par la législation. » L'air horrifié de la vieille tante l'arrêta. Et jetant autour de la table un regard inquiet, elle parut comprendre que ce sujet, même à Lawn Green, n'était peut-être pas fait pour de jeunes oreilles. Elle se pencha un peu pour parler à Zinni. « C'est vous, n'est-ce pas, ma chérie, qui êtes la fille de Lady Ranch ?» continua d'un ton aimable la princesse pour changer de conversation. « Figurez-vous que l'autre jour, j'ai vu votre mère à Venise. » La petite rayonna de curiosité. « C'est vrai que vous l'avez vue ? Quelle toilette avait-elle ?» La princesse hésita, surprise, et Judith intervint. « Zinni a la passion des robes. »« La vôtre est délicieuse, » dit insidieusement Zinni à la princesse. « Et maman ne vous a pas donné de petits cadeaux pour nous ?»« Zinni !» gronda l'institutrice. « Elle ne m'a pas donné de cadeaux. Elle pense sans doute qu'il faut venir les chercher. Elle voudrait tant revoir sa petite fille. » La petite devint écarlate de bonheur. Cette marque d'attention l'élevait à 100 pieds au-dessus de ses petits frères. Mais une réflexion rabattit son petit orgueil. « Si c'était vrai, j'ai idée qu'elle aurait dû m'envoyer un cadeau. » « Il y a des choses plus importantes que les cadeaux. Quand on aime les gens, ce n'est pas très gentil de penser toujours à ce qu'ils pourraient nous donner. Du reste, » poursuivit la princesse, sans excès de logique, « puisque votre maman est tellement généreuse, calculez tout ce qu'elle vous donnerait si vous étiez avec elle tous les jours. » Zinni parut plongée dans un abîme de perplexité. « Tout le temps ? Mais ce n'est pas possible. Elle n'a pas l'intention d'adopter toute la bande et on a tous juré. On ne dit pas ce mot-là. » « Nous avons tous juré, » corrigea Zinni. « Non, c'est juré qu'il ne faut pas dire, » expliqua la princesse. « Mais si on a juré, » reprit Zinni, « il n'y a qu'un moyen, c'est de nous adopter tous. Est-ce qu'elle en a envie ?»« Elle ne m'en a pas parlé. Ce serait peut-être difficile, mais c'est naturel qu'elle désire avoir sa petite fille. » La princesse se pencha encore et prit la main de la petite. « Ça ne vous ferait pas plaisir que je vous emmène demain à Venise chez votre vraie maman ?» Il y eut un moment d'angoisse. Boyne fit signe à Judith de ne rien dire et tous les petits, comprenant le mot d'ordre, attendirent, leur cuillère suspendue au-dessus de leur assiette, la réponse que leur sœur allait faire à cette question perfide. La petite, de cramoisie, était devenue blanche. Ses boucles orangées pendaient comme ses lèvres muettes. Sa tête s'affaissa sur son cou et il tournait dans les plis dodus de ce petit cou le collier de sa mère. « Qu'est-ce qu'elle me donnerait ?» demanda-t-elle avec précaution. « Je n'en sais rien, ma chérie. Il ne faut pas penser à cela. Il faut penser à votre maman, à son grand désir de vous voir. Allons, répondez-moi. Qu'est-ce que je dois lui dire de votre part ? N'est-ce pas que vous voulez retourner chez elle, ma chérie ? » La petite tête s'affaissa encore davantage. Si un petit Water avait su ce que c'est que d'être timide, on aurait pu croire un accès de timidité. En réalité, l'enfant se débattait devant un problème au-dessus de ses forces. Enfin, elle releva la tête et regarda posément la princesse dans les yeux. « J'aurai besoin de consulter d'abord mon avocat, » dit-elle. Boyd éclata de rire et la princesse fit comme lui pour couvrir sa défaite. Battue du côté des enfants, elle renoua la conversation avec l'institutrice. « Je serai si heureuse de causer avec vous sur les méthodes d'éducation. » « Je pense que vous avez renoncé à la contrainte pour vous faire obéir, comme nous faisons à Lawn Green. » La vieille fille la regarda et ses élèves, frappés, retinrent de nouveau leur cuillère, les yeux fixés sur la princesse avec curiosité. L'institutrice eut un petit rire dédaigneux. « Je n'ai jamais vu d'enfant obéir sans y être forcé. Si vous avez un moyen de faire autrement, je ne serai pas fâché de le connaître. » Cette réponse fit à la princesse plus de peine que de surprise. « Ah, forcer les enfants, c'est justement ce que nous ne voulons pas. Nous les laissons libres comme l'air, en tâchant de leur inculquer l'idée de collaborer. À Lohengrin, la coopération est l'alpha et l'oméga de la méthode. Nous commençons avec les bébés de 2 ans. Nous trouvons que l'obéissance a quelque chose de dégradant. » Elle sourit à son beau-fils. Quand Astor et Béatrice seront à la maison, la première chose que je ferai sera de les faire coopérer. À cette perspective, le petit demeura froid, mais sa sœur éclata en sanglots et embrassa passionnément son frère. « Non, non, méchante » s'écria-t-elle. « Nous ne voulons pas qu'on opère Ben. C'est moi qui me laisserai opérer à sa place. S'il le faut » ajouta-t-elle, avec désespoir, en jetant à sa belle-mère un regard suppliant. « Vraiment, mon enfant, je ne vous comprends pas » murmura la princesse. Il fallut que Judith se hâtât d'expliquer qu'on avait opéré Blanca l'année dernière et que ce souvenir avait produit un effet désastreux sur Beachy. « C'est un malentendu affreux, je suis désolée, » dit la princesse en souriant. Personne ne répondit et on repassa dans le salon. Les enfants suivirent les grandes personnes, précédées par l'institutrice, et la princesse fit de nouveaux efforts pour les faire parler, sans pouvoir rompre la méfiance qui s'épaississait entre elle et eux. Finalement, elle leur proposa un petit jeu. Elle fit débarrasser la table, on trouva, non sans peine, du papier et des crayons. Tout le monde s'assit, et l'on déménagea les coussins du sofa pour jucher les petits et les mettre à la hauteur de la collaboration. La princesse expliqua le jeu qui s'appelait l'ambition. Il était en usage dans la section des vocations à l'Institut de psychologie infantile de Lohengrin pour orienter de bonne heure les esprits des élèves vers le choix d'une carrière. Chaque enfant devait écrire sur un bout de papier ce qu'il voudrait faire plus tard. Ensuite, on plierait les billets que M. Boyne aurait l'obligeance de secouer dans son chapeau avant de les tirer tour à tour et d'en faire la lecture. Les enfants devineraient l'auteur de chaque billet. La partie s'engagea sans entrain. Les enfants étaient encore terrorisés par l'étrangère. Ils avaient tous horreur d'écrire, hormis Terry. Sans compter que les idées d'avenir ne leur disaient rien du tout. Elles leur étaient indifférentes, et puis ils avaient peur, en disant ce qu'ils pensaient, de s'exposer au ridicule que les enfants ne ménagent pas à l'expression des sentiments vrais. De là, beaucoup de lenteur et d'hésitation, et il ne fallut pas moins que l'exemple de Terry et la crainte de la dame autoritaire pour décider les petits crayons à faire leur devoir. Boyne recueillit les papiers, les remua, et commença à en faire la lecture. « Garçon d'ascenseur. Ah, j'y suis, garçon d'ascenseur. » Zinni se trahit par sa rougeur. Boyne continua. « Ambassadatrice. » Ça, c'était Blanca. Et la syllabe supplémentaire donnait encore au mot un surcroît de majesté. Poète ou auteur de romans policiers. Cette ligne de Terry révélait son âme partagée entre le premier ravissement de Conan Doyle et les délices des morceaux choisis de la poésie anglaise. Boyne lisait toujours. « Ne jamais plus me laver les dents. » Dans la grosse écriture laborieuse de Beachy. Acrobate avec un K. Ici, c'est Ben qui montrait le bout de l'oreille. Une belle âme. Brave Scopy, comme si ce n'était pas déjà fait. Enfin, des pattes de mouche de Judith, exploratrice. Boyne crut voir devant ses yeux passer un vol d'oiseau. Ses désirs démasquaient facilement leurs auteurs et chacun fut reconnu tout d'une voix à mesure. La princesse avait espéré quelque chose de mieux comme résultat. Le jeu, dit-elle, comportait une partie de discussion et elle comptait que ce second acte donnerait carrière à une expression plus personnelle. Chacun devait expliquer à son tour les raisons de son choix. Cette nouvelle proposition tomba dans un silence épouvanté et Beachy commença à donner des signes d'émotion. La princesse était consternée. L'institutrice se hâta de lui représenter que les petits étaient énervés, qu'ils n'avaient pas l'habitude de veiller, que la princesse les excuserait, mais qu'à cette heure il ne restait qu'à les coucher. À cette pensée, tous les petits visages s'éclairèrent. Zinni seule restait assombrie par une moue. Elle ne se fit pas prier pour descendre de sa pile de coussins. mais lorsqu'elle défila à son tour pour dire bonsoir à la princesse, elle s'arrêta une seconde pour dire « Il n'y a pas de prix à ce jeu-là. » L'indiscrète fut aussitôt enlevée par Miss Cope et la princesse, après une tentative de caresse, assez froidement reçue par Bun et par Beachy, demeura pour causer avec Boyne et la jeune fille. Évidemment, l'éducation laissait à désirer, mais la princesse paraissait moins combative que tout à l'heure. Elle semblait surprise par un élément inconnu qu'elle découvrait dans les rapports de ses petits entre eux et avec les personnes de leur entourage, et sans les comprendre très bien, elle paraissait moins sûre d'elle-même. Elle répétait les mêmes phrases, mais d'un ton moins affirmatif. Elle écoutait mieux les raisons de Boyne et les prières de la jeune fille. Celle-ci monta un instant pour embrasser ses petits frères. Aussitôt qu'elle fut seule avec Boyne, la princesse dit brusquement « Écoutez-moi, monsieur Boyne, et comprenez-moi. Certes, je n'approuve pas la manière dont sont élevées Béatrice et Astoré. Mais ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit. J'ai besoin d'eux, j'en ai besoin pour mon mari. » Elle rougit et ajouta rapidement « S'il commence vraiment une nouvelle vie, et je vous assure qu'il a déjà commencé, son premier acte doit être de reprendre ses enfants. Vous ne pouvez nier que ce ne soit son devoir. Je demande à l'honnête homme que vous êtes de nous aider. » Boyne balbutia quelques vagues paroles d'assentiment. Judith à ce moment rentra et la princesse prit congé. « Je dirai au prince, ajouta-t-elle avec un effort de cordialité, que les petits vont très bien, et je lui donnerai l'assurance que nous arriverons à nous entendre. » Victoire, défaite, Boyne et la jeune fille restèrent tard à veiller en retournant cette question sans trouver de réponse.